chemise cadrée et ma botte doublée. En plein bois avec ma chanson, je fais mon métier de bûcheron et j'aime ça. Que je suis bien dans ma cabane de bois, le feu pétille dans le gros poêle de fond. Ici je suis heureux comme un roi, je donne pas ma place pour tout l'or du monde. Que je suis bien dans mes jeans usés, dans ma chemise galatée et mes bottes doublées. En plein bois avec ma chanson, je fais mon métier de bûcheron et je le sens. Quand j'aurai rempli mon portefeuille de beaux billets verts, j'irai passer la fin de semaine en ville, voir les jolies filles et prendre un petit verre. Que je suis bien dans mes jeans usés, dans ma chemise carottée et mes bottes doublées. Quand je reviendrai au camp pour boucher, j'écrirai un beau mot à ma belle poupée. Je lui dirai franchement comment je me sens dans le bois. C'est bien attendu, j'aimerais qu'elle soit là. Que je suis bien dans mes jeans usés, dans ma chemise calotée